Nous allons à la piscine le mardi. Et vous? Nous y allons aussi le mardi. Nous allons au théâtre jeudi prochain. Et vous? Nous y allons aussi jeudi prochain. Mon frère va en Grèce en juin. Et vos amis? Ils y vont aussi en juin. Mes amis vont à Rome en train. Et votre sœur? Elle y va aussi en train. Nous allons chez Max vers 8 heures. Et vous? On y va aussi vers 8 heures.